بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va aborder un sujet aujourd'hui بإذن الله تعالى très important. Et avant cela, il est opportun de rappeler un des nombreux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir l'envoi du sceau des messagers, le prophète Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ensemble de l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est déchargé de sa responsabilité. Et il a été d'un conseil loyal pour la communauté. Et il a lutté pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que lui vienne la certitude de la part de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Par lui, Allah subhanahu wa ta'ala a complété la religion. Il a dit subhanahu wa ta'ala: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et vous ai comblé de mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. C'est ainsi que cette religion est une religion complète. C'est une religion parfaite. Et du fait qu'elle est complète, elle n'est pas amenée à être modifiée ou à subir la moindre diminution ou à se voir ajouter quoi que ce soit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc transmis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui contient l'intérêt de l'humanité aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Et il a enseigné tout ce qui permet la réforme de l'individu ainsi que de la société. Sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi que la religion, elle concerne l'ensemble des aspects de la vie de ce bas monde. En plus d'établir et d'entretenir le lien entre les créatures et leur créateur, subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que les ennemis de l'islam, ils cherchent sans cesse à attaquer cette religion-là. Ils s'opposent à l'islam avec de nombreuses idéologies qu'ils ont eux-mêmes inventées, en l'attaquant et en cherchant à éradiquer cette religion. Parmi ces idéologies, on compte le principe de la laïcité. Et il est important de lever le voile cachant la réalité de cette idéologie diabolique qui a été instaurée par les ennemis de l'islam afin de combattre tout type de religion et en particulier la religion de l'islam. Et le besoin de lever le voile cachant la réalité de la laïcité s'accentue du fait qu'on en arrive à un point où certains musulmans en viennent à faire les éloges de la laïcité, du fait qu'ils ne connaissent pas la réalité de cette chose-là, et également du fait de l'égarement de certains d'entre eux. Wallahul musta'an. Et on remarque cette chose-là notamment de la part de ceux qui se proposent à représenter l'islam et les musulmans, ou à défendre la cause de l'islam et des musulmans dans les pays mécréants, notamment en Occident, et particulièrement en France. On voit que de nombreuses institutions, de nombreuses associations, de nombreux mouvements se proposent pour défendre l'islam et les musulmans, et tu te rends compte qu'ils en viennent à utiliser la laïcité en faisant l'éloge. C'est ainsi qu'ils cherchent à répliquer au faux par le faux. Et à répliquer à la mécréance par la mécréance. Ce qui, bien sûr, n'est pas une méthodologie religieuse conforme à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Afin de connaître la réalité de ce principe qui est la laïcité de cette idéologie, on va essayer de lire un article très instructif d'un savant de notre époque, le noble shir Mohammed Ali Ferkous, hafidhahullahu ta'ala, savant reconnu parmi les savants et les shirs d'Algérie. Qu'Allah les préserve. Cet article-là, nous le retrouvons donc, il est traduit en français, dans la première partie de la série de recommandations salafi, qui regroupe donc un certain nombre d'articles écrits par le cheikh Mohammed Ali Ferkous, hafidhahullahu ta'ala. Cet article-là, il est donc intitulé « Laïcité, réalité et péril généré ». Donc le cheikh, hafidhahullahu ta'ala, il a dit, donc la réalité de la laïcité. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, et prière et salut pour celui qui l'a envoyé comme miséricorde envers les créatures des mondes. Prière et salut aussi pour les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour du jugement dernier. Ici ce qui est visé par la prière, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les éloges qu'il fait de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de ses proches, de ses compagnons et frères jusqu'au jour du jugement dernier. Le shir de continue en disant le mot laïcité, al-ilmaniya, ne dérive pas du mot ilm. Donc ici, il a abordé le sens du terme arabe désignant la laïcité, al-ilmaniya. Al-ilmaniya, qui désigne donc à la base la laïcité, c'est, comme certains le prétendent, ça dériverait du terme ilm, qui signifie donc la science ou le savoir. En vérité, cette chose-là, ça ne dérive pas de cela. Mais la laïcité signifie plutôt, dans le domaine politique, l'athéisme du pouvoir politique. Et donc le fait de l'appeler ilmaniya reviendrait à embellir la réalité de ce principe prôné par les ennemis de l'islam. C'est pour cela donc que l'on trouve que certains gens de science disent qu'en vérité al-ilmaniya mériterait plus d'être appelé ladiniya. Ladiniya, c'est-à-dire l'athéisme. Le shir de continue en disant, il est répandu de trouver dans divers ouvrages islamiques comme définition de la laïcité séparation de la religion et de l'État. Donc c'est ce que nous trouvons dans de nombreux ouvrages islamiques et même dans d'autres ouvrages. D'ailleurs, les laïcs définissent le principe de la laïcité comme étant la séparation de la religion et de l'État. Mais le fait est que cette définition ne reflète pas la réalité de la laïcité qui qualifie les personnes et leurs comportements, même si ceux-ci n'ont pas de liaison intrinsèque avec l'État. Donc le fait de définir la laïcité comme étant la séparation de la religion et de l'État, c'est en réalité un amoindrissement de la gravité de la laïcité. Et c'est une définition qui ne reflète pas cette dernière. Donc le shir de continue en disant, en conséquence, il est préférable de la définir d'une meilleure façon en disant qu'elle est l'établissement de la vie sans religion. La laïcité, donc dans sa définition qui lui correspond le mieux, c'est l'établissement de la vie sans religion. Et sans nous préoccuper du fait que la laïcité soit à son origine et à sa naissance un sous-produit de la civilisation occidentale et de l'influence chrétienne, ou encore marxiste, nous pouvons affirmer que la laïcité qui rejette la religion est un mode de vie visant à empêcher que la religion ne s'immisce dans le quotidien des gens. C'est-à-dire que la religion ne se mêle au quotidien des gens. Il cherche à établir la vie sur un matérialisme pur dans tous les domaines, politique, économique, social, éthique, juridique, etc. Le Shir a mis en note ici, lorsqu'il a parlé de l'influence chrétienne sur le principe de la laïcité, il a dit l'une des proclamations de la chrétienté est de donner à César le pouvoir politique et à Dieu, comme ils le disent, le pouvoir clérical, c'est-à-dire religieux. D'où le principe de la séparation de l'État et de la religion, l'Église. Les chrétiens attribuent à Issa, Jésus, alayhi salam, la célèbre parole « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Comme on le trouve dans les évangiles de Matthieu et ainsi de suite. En ce point, le christianisme rencontre donc la laïcité, c'est-à-dire ils sont en accord. Mais en islam, religion et pouvoir se sont établis solidairement l'un de l'autre au service sincère d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dès le début de la révélation, n'admettant en aucune façon la séparation entre ces deux composantes et n'acceptant pas non plus une éventuelle séparation entre la religion et la société. Ceci est conforme à la nature propre de l'islam, dont la religion et le pouvoir sont réunis par un lien indicible dans le sens qu'il est tellement fort qu'on ne peut l'exprimer. Donc le lien qu'il y a entre la religion et le pouvoir. Et ceci à la différence du christianisme et ses principes d'origine, ensemble de préceptes qui trouvaient leur place dans la société romaine où la religion appartenait à Allah et le pouvoir était donné à César, comme donc il le prétendait. Le Shir de continue en disant « La laïcité tend à ne laisser de place qu'au savoir non religieux, contrôlé par la raison et l'expérience, de façon pragmatique. » Et de façon pragmatique, c'est-à-dire donnant la prééminence à l'aspect pratique plutôt qu'à l'aspect spirituel. En donnant la priorité à la recherche du profit à tous les niveaux de la vie, conformément au principe machiavélique, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que vous allez retrouver ici, à travers cet article, beaucoup de choses qui, malheureusement, sont familières à beaucoup de gens et qui, en vérité, sont les conséquences de cette idéologie diabolique qu'est la laïcité. Conformément donc au principe machiavélique, la fin justifie les moyens, que ce soit dans la pratique du pouvoir, la politique et l'éthique, tout ceci en étant éloigné des obligations et des interdits religieux qui doivent rester consignés à l'individu uniquement et à sa conscience intérieure. Le spirituel doit donc se restreindre à la relation intérieure de la personne avec Allah et ne doit transparaître qu'à travers des rites religieux et au sein des cérémonies matrimoniales, fêtes, funérailles et occasions similaires, comme nous pouvons le constater de la part de l'Occident. Comme l'a dit le Shir ici, ce qu'il a dit, donc nous pouvons le constater de la part de l'Occident, qui cherche à réduire la pratique des musulmans au domaine privé de leur vie. C'est-à-dire que tu vas trouver des gens qui pratiquent de manière intime et privée leur religion, mais qui, dans le domaine du public, deviennent en vérité comme tout un chacun, deviennent donc similaires lorsqu'ils sortent de chez eux, lorsqu'ils sortent du domaine privé et familial, ils sont comme tout un chacun. C'est-à-dire que le musulman est similaire aux chrétiens, aux juifs, à l'athée, et ainsi de suite. C'est à cela que tend l'idéologie de la laïcité. Le Shir de continue en disant, après son apparition, la laïcité matérialiste eut au fait de dominer l'ensemble du courant anti-religieux qui se fixait comme credo l'hostilité et le combat de la religion, ainsi que son éviction de tous les domaines de la vie. Donc le fait, l'éviction, c'est-à-dire le fait de faire sortir la religion de tous les domaines de la vie. Ainsi que la mise à l'écart des religieux et des partisans de la religion et la limitation de leur influence à tous les niveaux de l'éducation, des établissements et instituts pédagogiques et vise d'une façon globale l'éradication de tout enseignement religieux. Mais le but principal est, en fin de compte, l'établissement d'un État et d'une société où la religion et sa pratique se restreindraient au niveau individuel. Donc ça se restreindrait, comme il le cherche, donc au niveau individuel, comme on l'a vu précédemment. Mais on se rend compte que ça ne se limite pas à cela. Car en vérité, tu trouves que la laïcité, elle pousse les gens qui l'ont établie et la mettent en application à chercher à dicter à l'individu la manière dont il doit pratiquer sa religion, à savoir d'une manière qui ne serait pas apparente. Naam. Donc certes, les laïcs, ils cherchent à faire en sorte que la religion ne soit plus que du domaine individuel. Et en plus de cela, ils cherchent à dicter à l'individu comment il doit pratiquer sa religion de manière individuelle, c'est-à-dire d'une manière qui ne soit pas apparente, mais uniquement privée. Or, l'islam est un ensemble de convictions intimes et d'actes et de paroles apparentes se manifestant dans le quotidien du musulman, et non pas lors de certaines cérémonies matrimoniales ou lors de certaines fêtes, funérailles et occasions similaires, comme on a pu le voir précédemment. Le sûr de continue en disant: et les membres vivant au sein de la société musulmane seraient liés par des liens de fraternité entre eux, donc selon la laïcité bien sûr, les membres vivant au sein de la société musulmane seraient liés par des liens de fraternité entre eux, grâce non pas à une communauté de religion, mais plutôt à une communauté de la patrie, même si leur religion diffère. Et c'est à partir de là que tu vois que les laïcs, ils appellent à quoi? Et ils appellent à l'unité des religions, ou alors ils appellent au fait de considérer toutes les religions comme étant égales, ou à la fraternité des religions. Ce qui lierait donc les gens, ce ne serait pas une communauté de religion, mais plutôt une communauté de la patrie, même si leur religion diffère. Le sûr de continuer en disant: cela dit, on tord ce qui distingue une laïcité athée, rejetant de fait l'éventualité de l'existence du Créateur et ne reconnaissant nullement la religion, et une hypothétique laïcité non athée. Hypothétique, c'est-à-dire une laïcité qui ne serait pas athée. En vérité, donc, elle est hypothétique dans le sens où ceux qui prétendent son existence le prétendent, alors qu'en vérité, elle est très loin d'exister. Étant donné que, comme le Shir l'a dit précédemment, la laïcité, c'est l'établissement de la vie sans religion. En d'autres termes, c'est l'athéisme. Ça correspond à l'athéisme. Donc le Shir a dit: cela dit, on tord ce qui distingue une laïcité athée, rejetant de fait l'éventualité de l'existence du Créateur et ne reconnaissant nullement la religion, et une hypothétique laïcité non athée qui admettrait l'existence du Créateur d'une façon tout à fait abstraite, tout en réfutant l'existence d'une relation entre Allah et la vie quotidienne des gens, et en refusant la loi d'Allah de façon implicite et explicite. Car la réalité est que la laïcité, avec toutes ses tendances et sous tous ses aspects, est athée. Donc, il faut retenir cette chose-là. Naam, il est faux et il est mensonger de chercher à distinguer une laïcité athée d'une laïcité qui ne serait pas athée. Car la laïcité, c'est synonyme d'athéisme. Il y a certains points comme ça qu'il faut retenir. L'article du Shir, il est parfois un peu technique. Non, peut-être qu'il y a certains passages qui sont difficiles à saisir. L'important, c'est d'en retenir l'essentiel. Le shir de continue en disant le mot ilhad, qui veut dire athéisme ici, ne signifie-t-il pas dans la langue arabe la déviation et le fait de se détourner de la religion d'Allah et de ses préceptes? Ceci englobe de façon générale tous les évitements à écart de la religion et à plus forte raison et d'une façon plus particulière la mécréance ou l'associationnisme shirk en zone sacrée ou encore le fait d'y enfreindre un interdit d'Allah ou de ne pas remplir un devoir religieux. Ajoutons que l'athéisme est la mécréance les plus graves sont ceux empiétant sur l'aspect de l'unicité d'Allah relatif à la rububiyya. La rububiyya, donc comme on l'a vu à plusieurs reprises, c'est ce qu'on appelle en français la seigneurie. C'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le seul et unique créateur à pourvoir en subsistance ses créatures et à diriger l'ensemble de sa création, à donner la vie, à donner la mort, et ainsi de suite. Donc le shir a dit, ajoutant que l'athéisme et la mécréance les plus graves sont ceux empiétant sur l'aspect de l'unicité d'Allah relatif à la rububiyya ou impliquant la réfutation d'un nom, attribut ou acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, le shir il a abordé un autre chapitre dans lequel il a dit le danger que représente la laïcité. Donc après avoir montré la réalité de la laïcité, il a abordé le danger de cette dernière et il a dit la doctrine de la laïcité représente un grave danger pesant sur l'islam et les musulmans. Elle mène une large campagne visant à combattre les relations de l'homme à Allah, l'éthique et la morale des gens, ainsi que la croyance en l'au-delà. Ne vois-tu pas que ces sociétés laïques s'enlisent, elles se vautrent dans la débauche. Ne vois-tu pas non plus l'absence de valeurs spirituelles et morales auprès des enfants de ces patries, impies et laïques? Et ne vois-tu pas non plus l'influence néfaste qu'elle a sur le comportement des enfants musulmans vivant en terre impie et laïque? Toutes ces choses-là, ce sont des choses que tu constates et qui appuient donc ce que dit ici le Shir lorsqu'il dit « Elle mène une large campagne visant à combattre les relations de l'homme à Allah, l'éthique et la morale des gens, ainsi que la croyance en l'au-delà. Elle veut éliminer totalement la religion de la société, ou à défaut lui ôter pleinement son sens et sa valeur. Elle tend à détruire les barrières morales qui empêchent les personnes de basculer dans la débauche et la mécréance. La priorité de la laïcité est donc de contrôler l'enseignement et l'éducation, afin de former des générations ignorantes de toute religion ou morale. Mais la majorité des musulmans ignorent sa réalité, c'est-à-dire la réalité de cette laïcité. Car elle se dissimule sous plusieurs masques, tels que le patriotisme, le socialisme, le nationalisme et d'autres, ou derrière l'apparence d'idéologies dangereuses et destructrices, telles que le freudisme, donc en allusion à Freud, darwinisme, l'évolutionnisme, donc ce qui fait référence ici à des idéologies mécréantes, la théorie de Darwin et ainsi de suite, et autres théories. Ses partisans, donc, et d'ailleurs je vous incite à revenir donc à l'original et à lire la note que le Shir a mise dans laquelle il réplique de manière brève à la théorie donc de Darwin et à sa thèse concernant l'origine des espèces. Je vous invite donc à revenir au propos de l'auteur, soit dans le livre, soit sur son site, dans l'article « Laïcité, réalité et péril généré ». Le Shir de continue en disant « Ses partisans prétendent s'appuyer sur des preuves scientifiques attestées, alors qu'elles ne sont en fait que de faux arguments fallacieux, réfutés par la raison et la réalité des choses. L'état de ces pseudo-preuves est pareil à celui décrit dans le verset suivant. كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ce qui veut dire, ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donnée maison. Or la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement ils savaient. Le danger vient particulièrement dans la laïcité, dont les tenants prennent l'apparence de partisans de la religion afin d'égarer et de tromper le commun des musulmans. Sois attentif à ce passage des propos de l'auteur, le Cheikh Mohammed Ali Farkous, hafidhahullah. Donc il a dit, le danger vient particulièrement de la laïcité, dont les tenants prennent l'apparence de partisans de la religion afin d'égarer et de tromper le commun des musulmans. Sois attentif. Il dit, ils n'interdisent pas ainsi le pèlerinage, ni l'établissement de la prière dans les mosquées. Ils ne rechignent pas à construire les mosquées, mais bien au contraire, ils participent à leur construction et assistent aux différentes célébrations religieuses et fêtes. Ils ne manifestent aucune hostilité envers la religion en ces choses, bien sûr, tout en œuvrant activement à restreindre le champ de la religion au cadre des mosquées afin de l'éliminer du restant de la société. Et ça, c'est une réalité. Que toute personne équitable, raisonnable et sensée connaît lorsqu'elle observe et analyse la réalité de ce genre de pays, notamment celui dans lequel nous vivons. Et dans cette réalité-là réside la plus cinglante réplique à ceux qui prétendent que le musulman a largement la possibilité de pratiquer ouvertement sa religion en France ou dans d'autres pays qui s'apparenteraient à cette dernière, en prétendant qu'il n'est pas, le musulman, qu'il n'est pas empêché de se rendre à la mosquée, de s'acquitter de son aumône obligatoire, la zakat. Il n'est pas empêché non plus de jeûner le mois de Ramadan. On ne lui empêche pas de se rendre à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Et tu en trouves qui en arrive à dire « Heureusement qu'on a la laïcité ». Et ces personnes-là qui arrivent à dire ces choses-là, ils le disent du haut de leur manabir, devant des centaines de personnes. Ils en arrivent à dire « Heureusement qu'on a la laïcité », en pensant que cette chose-là, c'est là la manière de pratiquer ouvertement la religion. Et en ne se rendant pas compte qu'en vérité, c'est quelque chose-là qu'ils te laissent faire. En vérité, c'est un moyen qu'ils utilisent afin de petit à petit t'empêcher de pratiquer ta religion en restreignant cette chose-là aux mosquées et aux domaines privés. Et ceux qui tiennent ce genre de propos, donc, qui en viennent à dire « Heureusement que nous avons la laïcité », ceux qui en arrivent à tenir ce genre de propos, n'ont d'une part pas compris la réalité de l'islam. Et ils n'ont pas compris qu'en fait l'islam c'est beaucoup plus large que le fait de mettre en apparence, en application, les piliers de l'islam. Et ils n'ont pas compris que le fait d'attester que nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, ça implique que celui qui atteste de cette chose-là se désavoue ouvertement de tout ce qui va venir s'opposer à cette chose-là et qu'il mette en pratique ouvertement cette chose-là. Donc d'une part, ils n'ont pas compris la réalité de l'islam. Et d'autre part, ils n'ont pas saisi que les gouvernements laïcs utilisent ce genre de choses-là pour endormir les gens et afin de restreindre le champ de la religion, comme l'a dit le Chir, donc je reprends ses propos à la fin de ce passage, restreindre le champ de la religion au cadre des mosquées afin de l'éliminer du reste de la société. Le Chir de continuer en disant, dans un sous-chapitre, les aspects de la laïcisation et ses domaines d'activité. Il a dit les domaines concernés par la laïcisation et d'où la religion a été évincée, c'est-à-dire sortie, sont premièrement la politique et le pouvoir. Les effets de la laïcisation en son domaine, ils sont perceptibles pour tout être normal. Étant donné que, selon eux, la laïcité c'est quoi? C'est la séparation de De l'État et de la religion. La religion et du pouvoir. Donc, comme l'a dit le Chir, la politique et le pouvoir, les effets de la laïcisation en son domaine, ils sont perceptibles pour tout être normal. Eux-mêmes, ils ne s'en cachent pas. Mais ça ne se limite pas à cette chose-là, comme on l'a vu précédemment. Deuxièmement, l'enseignement et les programmes pédagogiques. Pareillement, la laïcisation y est perceptible par tout être sensé. Troisièmement, l'économie et les différents systèmes financiers. De la même façon, la laïcisation y est aisément perceptible. Quatrièmement, les systèmes judiciaires, sociaux et éthiques, où les résultats de la laïcisation sont indiscutables. C'est-à-dire autant de domaines indissociables de la religion de l'islam. Tous ces domaines-là font partie de l'islam. Le Chir de continue en disant « La laïcité fait des valeurs spirituelles et des valeurs négatives. De cette façon, elle ouvre le champ libre à la propagation de l'athéisme, à l'occidentalisation de la société, à l'absolution de tout interdit, et enfin au brouillement des mœurs et de la morale. Elle appelle en outre à la libération de la femme, emboîtant ainsi le pas à une société occidentale qui ne condamne pas les relations illicites entre les deux sexes. Tout ceci a ouvert le champ libre aux pratiques ignobles qui ont détruit la famille, son cadre et son unité. Cette méthode permet ainsi aux tenants de la laïcité d'inculquer aux générations une éducation éloignée de la religion et de former une société où la conscience religieuse serait inexistante et où les scrupules disparaîtraient pour être remplacés par de vils et bas instincts tels la recherche sans limite du profit immédiat, les tentations, les luttes pour la survie et autres tentations charnelles en n'accordant pas la moindre importance aux valeurs morales et spirituelles. C'est ainsi qu'une des conséquences de ceci est le rejet par beaucoup de nos semblables imbu de culture occidentale du précieux et fort lien attachant la religion à la pratique du pouvoir, à la politique, aux différentes structures sociales, financières et pédagogiques, et qui est d'ailleurs un des traits caractéristiques et distinctifs de l'islam. Ceux-ci ont été élevés avec la conviction que les questions religieuses ont leur univers propre, de même que les questions de la vie ont le leur. Donc toujours cette distinction et cette séparation entre le domaine privé et le domaine public. Selon eux, la religion, c'est du domaine privé. Ça doit rester uniquement au niveau individuel. Ça ne doit pas apparaître dans la relation avec autrui. De même que les questions de la vie ont également leurs caractéristiques et ont également donc leur domaine et leur univers qui leur est propre. Le Chir de continue en disant « Les prescriptions religieuses et les préceptes de l'islam se réduisent alors à gérer la relation des individus et de leur créateur uniquement. » Combien de personnes définissent la religion comme étant la relation privée et intime qu'entretient le serviteur avec son créateur? Alors que, comme on l'a vu, la religion, c'est beaucoup plus large. Donc les prescriptions religieuses et les préceptes de l'islam se réduisent alors à gérer la relation des individus de leur créateur uniquement et à gérer les relations interindividuelles dans un cadre limité, ne dépassant pas les relations sociales et éthiques où se regroupent les seules règles contraignantes pour le musulman. C'est cette laïcité qui s'est répandue dans le monde musulman et arabe par l'effet du colonialisme et des campagnes de christianisation et d'évangélisation. Mais aussi en raison de l'imprévoyance, c'est-à-dire de l'insouciance de nos semblables qui, bercés d'illusions, ont brandi son slogan, exécuté les plans de ceux qui les ont tracés et soutenus, et qui enfin ont embrouillé les gens en les persuadant, à force d'artifices et de ruses, c'est-à-dire d'artifices de faux-semblants, et de ruses, d'adopter leurs propres convictions qui ne sont en fait qu'égarements et tromperies. C'est ainsi qu'ils leur transmettent. Premièrement, la remise en cause du Saint-Coran et la mise en doute de la prophétie. Deuxièmement, la prétention que les préceptes d'Allah sont figés et incompatibles avec la civilisation et que l'Europe n'a pu progresser qu'après l'abandon de tout ce qui a trait à la religion. Troisièmement, la prétention que l'islam est incapable de suivre la marche du progrès et qu'il incite au bridage, c'est-à-dire à la limitation des énergies des gens et opprime la liberté de penser. Quatrièmement, la prétention que l'islam a épuisé ses ressources et qu'il n'est plus qu'un ensemble de rituels et de cérémoniaux spirituels. Cinquièmement, l'allégation que la langue arabe, donc il s'attaque également à la langue arabe, n'est pas adéquate à l'acquisition du savoir et au progrès, et qu'elle est incapable de suivre le train de la civilisation et du développement. Il est singulier en passant de constater que bien que la langue arabe soit la langue officielle des pays arabes, la réalité est qu'elle a été reléguée au second plan dans la plupart des institutions administratives et universitaires, ainsi que dans les établissements médicaux, plus spécifiquement dans les pays du Maghreb. La langue française a en effet supplanté la langue arabe en ces endroits et est devenue la langue effective d'échange et de communication, tandis que la langue arabe n'a cessé de perdre du terrain, conformément à ce qui lui a été planifié par ceux qui réalisaient parfaitement quelle est la langue arabe du Coran et le véhicule des sciences religieuses. À partir du moment que les ennemis de l'islam se sont rendus compte de cette chose-là, eh bien ils ont cherché à combattre cette langue. Et ils ont notamment contribué à installer ce qu'on appelle les dialectes et à faire qu'ils se répandent et à utiliser ces dialectes-là pour semer la zizanie entre les musulmans. Et également, ils sont venus installer leur propre langue à tel point que, comme l'a dit le Shir, la langue arabe, qui pourtant est la langue la plus riche, a été reléguée au second plan alors qu'elle est beaucoup plus riche que l'ensemble de ces langues-là. Le Shir de continue avec le sixième point. Naam. Que ces gens-là donc cherchent à transmettre. En disant la prétention que la révélation est effectivement appliquée sur le plan de la politique du pouvoir et en d'autres domaines, en avançant qu'en fait, la jurisprudence islamique puise ses préceptes du droit romain. Donc la jurisprudence, on a expliqué à de nombreuses reprises que le terme le plus approprié ici serait de le laisser en arabe, le fiqh, étant donné que la jurisprudence ne reflète pas le sens d'origine du terme fiqh qui est voulu ici, donc qui représente donc l'ensemble des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala qui régissent le domaine de l'adoration ainsi que celui des relations sociales puisé et tiré du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et du consensus des ulama de l'islam. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prétendent que la révélation est effectivement appliquée sur le plan de la politique, du pouvoir et en d'autres domaines, mais ils avancent qu'en fait, le fiqh islamique puise ses préceptes du droit romain afin de le dénigrer, ce qui bien sûr est quelque chose de faux et de mensonger. Septièmement, la déclaration que la révélation est dure dans ses châtiments, telle que la loi du talion, telle que définie par l'islam, l'amputation, la lapidation et la flagellation, et qu'il faut opter pour des châtiments plus appropriés, s'inspirant des institutions et systèmes occidentaux, considérés plus cléments et plus indulgents. Alors que on ne cesse de se rendre compte où mène leur soi-disant clémence et leur soi-disant indulgence. Le Shir de continue en disant « Ceci est semblable, plutôt excusez-moi, ceci est l'ensemble des prétentions sur lesquelles s'appuient les laïcs qui œuvrent à résilier la religion révélée par Allah, tâche à laquelle participent personnalités, revues, presse et autres éléments. Ainsi, ils veulent complètement éloigner la droite religion de la vie sociale pour la réduire aux limites et aux domaines les plus étroits. Tout ceci est accompli par volonté de se conformer au modèle occidental, à ses tendances et pratiques, dont le but est de dépecer l'islam au fur et à mesure, à se débarrasser de ses obligations et de ses restrictions, et aussi à supprimer l'identité des musulmans tout en les détachant de leur religion. Leur attachement à l'islam pourra alors être substitué par une adhésion morale et effective à l'Occident et sa hargne envers l'islam, Et les musulmans, et tu trouves un certain nombre de personnes qui, effectivement, en sont arrivées à ce point-là, qu'Allah nous en préserve. C'est ainsi que s'opère une substitution totale des valeurs et des conceptions islamiques originelles, des notions musulmanes, des choses ainsi que du vocable par d'autres valeurs et conceptions étranges, à tel point que le style de vie se métamorphose pour devenir occidental. La façon de penser et de travailler s'occidentalise aussi. On appelle alors à la réforme de l'éthique, de la société et des institutions législatives, judiciaires et pénales, en prétendant vouloir les adapter à l'époque et au progrès, alors que la réalité est en fait une volonté de les calquer sur les institutions occidentales. Et tout ceci est entrepris sous la devise de la réforme et du progrès. Le Shirde continue en disant « Le courant laïque est arrivé à provoquer la dérive d'une grande partie de la société musulmane et à l'atteindre au plus profond de sa dignité et de sa personnalité. » Dans le domaine de l'exercice du pouvoir et du système exécutif, dans le domaine judiciaire et l'exercice de la juridiction, dans le domaine éducatif, en introduisant des idéologies partiales dont le but est d'émettre le doute vis-à-vis de l'islam, de sa langue, du Coran et du prophète, comme nous l'avons exposé auparavant. Beaucoup d'institutions sociales ou politiques ont été trompées par ces idées corrompues et ont essayé alors de provoquer un sursaut de la nation par le biais de la laïcisation de l'État, que ce soit sous le couvert du patriotisme, du socialisme ou du nationalisme. Autant d'idées dont certaines personnes sont fières, qu'Allah nous en préserve. D'autres institutions à tendance islamique ont été elles aussi influencées par ces idées, à part celles qu'Allah a préservées grâce à sa clémence. Elles eurent de la religion une conception limitée, puisqu'ils la restreignirent à son aspect civilisationnel uniquement. L'islam, qui englobe religion et État, refuse de façon catégorique cette vision dualiste qui conçoit une barrière infranchissable entre le matériel et le spirituel. Il la considère comme étant une apostasie. Une apostasie, à savoir le fait de renier la religion et d'en sortir après y avoir adhéré. Donc la réalité de la laïcité et la réalité de tout ce qui en découle, c'est l'athéisme et c'est l'apostasie. Wal'iyadu billah. Également, en raison de sa pureté et du caractère noble de son dogme et de son éthique, l'islam rejette les tares des sociétés occidentales et refuse leur propagation au sein de la société. Ces tares parmi lesquelles on compte l'institution du libertinage le plus total, comme on peut le voir dans ce genre de pays et dans d'autres. L'acceptation des mœurs les plus dépravées et d'une multitude de convictions et de comportements bas, impurs, qui ne peuvent que se confronter aux dogmes musulmans attachés à l'unicité d'Allah, à l'affirmation de l'unicité d'Allah, ainsi qu'au cadre de la société et de la famille, et entraîner finalement sa destruction. Cet appel à emboîter le pas à la société occidentale et à adopter ses convictions, ses valeurs, ses us et coutumes est souvent présenté sous le couvert de la nécessité de la réforme. Bien sûr que les gens qui appellent à tout cela, ils ne vont pas appeler à cela en disant que cela contient la dépravation. Ils vont le faire passer sous de beaux principes en apparence, en disant que c'est là la nécessité de la réforme. Mais c'est cette suite aveugle de ce mauvais exemple qui constitue la réelle déviation, le figement effectif et la ville parodie d'autrui. La ville parodie d'autrui. Le shir, jazahallahu khayra, il a très bien décrit le fait de chercher à suivre nos ennemis, le fait de chercher à prendre modèle sur des gens qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas croyants, qui ne croient pas en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous pouvons en effet constater, de la part de ceux qui délaissent le modèle islamique pour se conformer aux différents modèles mécréants et impies, et trahissant ainsi leur religion et ses adeptes, et s'humiliant aux yeux de leurs ennemis, qu'en vérité, ils ne sont les acteurs que d'une ville parodie. Tu trouveras ceux qui sont musulmans à la base et qui cherchent à imiter les mécréants. Tu trouveras donc qu'ils ne sont qu'en train de participer à une vulgaire parodie. Et au final, ils auront trahi leur religion, ils auront trahi leurs co-religionnaires, leurs frères et sœurs, et aux yeux des gens qu'ils imitent, ils ne seront que des gens bas et vils, étant donné que même eux, ils réprouvent le fait que la personne, elle, n'assume pas ses origines, elle n'assume pas son identité. Donc au final, elle sera entre la trahison et l'humiliation, qu'Allah nous en préserve. La religion et le pouvoir sont inséparables. Donc le Shir de continue en disant, la religion et le pouvoir sont inséparables. Et ce, depuis le jour où s'est composée pour la première fois la société musulmane, dans le but de servir Allah seul, et d'amener aux gens de toute époque et de tout lieu le bien et le bonheur, quel que soit le niveau atteint, alors par la civilisation et le progrès. L'islam est donc une religion émanant d'Allah, adaptée à l'humanité entière et à toute époque, et qui ne saurait entrer en conflit avec un réel progrès profitant aux gens. Mais l'islam ne tolère pas l'athéisme et ne reconnaît pas de liberté de combattre la religion d'Allah et ses préceptes. Il refuse que le principe de liberté permette l'éviction de l'éducation religieuse et des valeurs éthiques. L'islam, avec tout ce qu'il comprend comme doctrine, rites, règles concernant les relations humaines et éthiques, a apporté à l'humanité un système reposant sur la droiture et la vérité. De par son aspect complet et parfait, il concerne tous les domaines de la vie humaine et les englobe tous dans son champ d'application. Il établit les préceptes utiles à l'individu, de son enfance jusqu'à sa mort. Il lui rappelle l'obligation de se vouer entièrement à Allah en ses actes, paroles et agissements, en sa vie et au moment de la mort. Tout doit être voué entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, nous trouvons dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a dit Jalla Jalalu, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dit, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort ne sont voués qu'à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Et le Shir de terminer en disant, et notre dernière invocation, revenant à Allah et de dire louange à Allah, le Seigneur des mondes, et que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur Mohammed, les siens, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour du jugement. On s'en tiendra donc à cela en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il récompense le Shir pour cet article très instructif et bénéfique. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de l'égarement après nous avoir guidés, et qu'il nous montre la vérité en tant que telle, et qu'il nous assiste afin de la suivre et de nous y tenir, et qu'il nous montre l'égarement en tant que telle, et qu'il nous assiste afin de nous en détourner. Et on s'en tiendra à ça pour aujourd'hui. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Je vous invite à revenir, au propos de l'auteur, à revenir à cet article.